Guillermo Guiz avec sa bonne humeur. Allez, Guillermo. Allez, courage. Qui est le seul mec qui tousse comme un mec qui fume 3 paquets de cigarettes par jour et qui ne fume pas. Il se drogue. Merci, Léa qui me donne un verre de... Ouais. Bonjour les amis, vous allez bien? Mais très bien, mieux que toi. Oui, ça va. Alors, après le triomphe binational de mes réflexions sur l'alcoolisme, la direction de France Inter m'a demandé de continuer à traiter des sujets qui touchent directement les membres de l'équipe. C'est pourquoi cette semaine, dans mon billet rémunéré, et pour coller à l'actu de la bande originale, je vais vous parler de l'imminence de la mort. Enfin, pour être précis... Mm-hmm. Ah oui. En plein forum européen de la bioéthique à Strasbourg, je vais vous parler de vie prolongée et de transhumanisme. Ah, Guillermo, puisque dans la conduite de l'émission, il est justement prévu que tu parles ces 3 prochaines minutes. Douche-nous l'esprit de ton savoir hirsute, petit bastard, donc entendu par transhumanisme. Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que la vieillesse est un naufrage pour nos corps imparfaits. Bête exemple, avant, dans la rue, moi, quand je devais fort pisser, j'arrivais à me retenir. Bon, ben maintenant, j'apprends juste à avoir honte en public. Donc voilà, ça va, ça vient, la dignité, on s'adapte. Mais appliqué à la santé, les technologies modernes peuvent changer la donne. Regardez le maréchal Ganache, chez qui on a implanté une prostate révolutionnaire en plastique dur et en croûte de lèpre, le tout relié à son Apple Watch. Affirmatif. Je crois pouvoir dire. Et ça marche, on est ravis. Ça marche très, très bien. On est bien d'accord. Eh bien. Le courant transhumaniste part du principe qu'à l'instar de l'homosexualité, et de la calvitie, le vieillissement est une maladie comme une autre, et qu'en changeant la machinerie du corps à coup de nanotechnologie et de nouveaux petits gènes bien rigolos, l'homme pourrait vivre beaucoup plus longtemps. Alors naturellement, c'est pas pour tout de suite, les scientifiques attendent que Daniel Morin-Clams, avant d'entamer des recherches sérieuses sur l'immortalité humaine, ça serait gâché sinon. Mais bon, c'est vrai. Mais si je me fie au teint cireux de l'intéressé et au jaune pâle qui brille dans ses yeux, c'est une question de trimestre. Ensuite, c'est promis, on se lance. Et c'est pour de vrai, puisque à la pointe de cette quête de longévité terrestre, on retrouve déjà les plus hautes autorités de Google, Facebook et PayPal, notamment. Ce qui est logique quand t'es à la tête. Hasard, ouais. Ce qui est logique quand t'es à la tête de Google et que pour t'endormir en cas d'insomnie, t'es obligé de compter tes piscines. T'as pas spécialement envie que ta vie s'arrête tout de suite. Forcément, c'est gâché. Sinon, là aussi, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence Steve Jobs. Steve Jobs, il a mangé des pousses de tofu pendant 50 pige, ça l'a pas empêché de claquer avant Bernard Lavilliers, qui je le rappelle, se nourrit exclusivement de burritos, hein, comme quoi. Alors le risque, évidemment, c'est justement que les inégalités sociales se perpétuent dans l'humanité augmentée. Dans 30 ans, vraisemblablement, Nagui aura la chance de s'acheter un exosquelette, alors que moi, au mieux, je pourrais m'offrir un Sgeg en fibre optique, sans choix de couleur en plus, avec rotativité limitée, je vois le coup arriver. Mais à cette nuance près, les utopistes de chez les chercheurs anticipent que le progrès en matière de nanotechnologie, de connectique ou de séquençage de l'ADN pourrait permettre à l'humain augmenté de vivre des centaines d'années, voire 1000 ans. Et vous allez me dire, oui, mais enfin bon, il y a déjà un prototype pour ce projet, et dans Vivement Dimanche, il a quand même l'air au bout du rouleau. Alors, ok, mais on est au début du processus. Et puis, admettez que ce serait dingue si l'espérance de vie augmentait à 1000 ans. 1000 ans! La droite pourrait passer la retraite à 860 ans. Hein, François Fillon, ça lui mettrait un peu de baume dans l'interface, le pauvre, non ? Pourrait revenir frais comme un gardon pour les présidentielles de 2218. Désolé, monsieur Arditi, mais voilà. Si on vivait 1000 ans, le slogan de campagne serait différent. Mais le changement, on a le temps. La France n'est pas pressée. La gauche, si on essayait 2 siècles. Dire, si on vivait 1000 ans, on ferait des breaks de 80 ans avec nos meufs. Pour prendre un peu de recul, ce serait génial. Si on vivait 1000 ans, on pourrait enfin savoir qui va gagner le conflit israélo-palestinien. Ah non, peut-être pas. Là, il faudrait un rap de 2000 ans. Mais si on vivait 1000 ans, on pourrait enfin lire tous les livres dont parle les Lacadour Boudadi dans cette émission. Et on pourrait dire, ouais, moi aussi, je l'ai lu. Je suis à fond dans les littératures moldavo-turkmènes de cette décennie. Et ça en serait fini de se faire humilier chaque semaine. Mais c'est vrai, au moment de sa mort, chacun de nous aurait besoin de beaucoup plus de vie encore pour en terminer avec la vie. C'est pas de moi. Je sais que ça vous a jamais traversé l'esprit, mais c'est pas de moi, c'est de Bloch. Ernst, pas Laurence. Ah bah Laurence. Bonne émission. On rappelle que Laurence Bloch est notre directrice. Bravo Guillermo. C'est super. Bravo. Midi. La bande originale. Voilà.